Chapitre 41, prise de marque. Nous sommes le 27 février 2050. Faitson se lève pour un jour qui sera historique pour lui. Après avoir passé une soirée forte en émotions, terminée par une défaite de son pays en finale de Coupe du Monde, il doit faire table rase de tout ça et chausser les crampons. Aujourd'hui, c'est son avenir qui est en jeu. Canis Caname dit. Il doit gagner ses lettres de noblesse. Il est dans l'obligation de prouver à au moins un dirigeant qu'il a le niveau pour évoluer dans la Japan Masters League. Il devra faire face à 8 recruteurs afin d'aller chercher un contrat dans une franchise du championnat japonais. Lorsqu'il lit les informations des réseaux sociaux, il apprend qu'il s'agit de la première session de recrutement et qu'il y en aura 8. Il n'y avait donc aucune date impérative. Il aurait pu jouer sa finale du mondial. Pour se mettre dans le bain, il se connecte à la chaîne 100% football et regarde le duel au sommet de la saison dernière entre Bayern Commodore et Exur Bianconeri. La première équipe est la version 2050 du Bayern Munich, alors que la seconde est ni plus ni moins que la Juventus de Turin. Les plus grandes stars évoluent dans ces franchises. C'est justement ce groupe de 20 stars qui disputera la première phase de la JML en Amérique du Sud avant d'être gonflé par les dernières recrues pour la deuxième phase en mai en direct du vieux continent européen. Si Faitson venait à être drafté par une franchise, il débutera le 1er mai pour la journée de la deuxième phase de la Ligue et cela pourrait se jouer en France. Drôle de coïncidence. Faitson prend son sac et décide d'aller au centre de recrutement en footing. Il aurait dû se renseigner avant. Celui-ci se situe à 1 heure en voiture de son hôtel. Après 30 minutes de mini-course, il décide d'appeler un taxi. Bonne idée. En espérant que cela ne fasse pas de dégâts sur sa condition physique. Pour s'imposer parmi les futurs recrues, il doit être à 100%. Il arrive donc au centre Aidetoshi-Nakata et voit plusieurs box, un par continent. Il se place donc chez les Européens. Ils sont 80. Les franchises japonaises sont strictes au niveau recrutement. Ils doivent respecter un quota d'étrangers. Chaque club a le droit à 5 Européens, 5 Océaniens, 3 Africains et 3 Américains dans son effectif. Admettons, dans le meilleur cas, qu'aucune des 8 franchises n'ait d'Européens. 40 sont recrutables, soit la moitié des convoqués aujourd'hui. Il y aura 7 autres sessions, soit au total 640 prétendants. Faitson a 6,25% d'être parmi les 40 sélectionnés. Ce ne sera pas facile pour Faitson, surtout quand on voit qu'un effectif comme l'Exul Bianconeri compte déjà 3 Italiens. Les chances se réduisent. Peu importe, même s'il ne devait y avoir qu'un seul élu parmi ses candidats, Faitson veut être celui-ci. Il est archi-motivé. Juste avant d'entrer en scène, il reçoit encore et toujours un appel masqué. Celui-ci est accompagné d'un SMS. « Je vais te casser la jambe, à cause de toi, on a perdu. » Chapitre 42, un rêve à accomplir. C'est avec crainte que Faitson se range dans les vestiaires japonais. Il sait que quelqu'un lui veut du mal et qu'il est surveillé. Il se peut qu'il soit suivi. Pire, il se pourrait que son bourreau soit footballeur et qu'il le blesse volontairement pendant sa détection. Après les tweets négatifs, les appels en pleine nuit, les critiques de spécialistes, l'opération Faitson est un mercenaire a atteint une nouvelle escale avec les menaces. Une personne ne semble lui en vouloir d'avoir lâché les Bleus juste avant la finale du dernier mondial. Ces alertes sont-elles fondées? Malgré la peur, il doit assurer devant les observateurs des 8 franchises japonaises. Faitson n'a pas eu besoin de se renseigner sur la composition de la Japan Masters League. Il est un grand fan du tenant du titre, le Bayern Commodore, ex-Bayern Munich. Il avait suivi avec beaucoup d'intérêt le dernier match de la saison contre leur dauphin, l'Exur Bianconeri, ex-Juventus Turin. Le titre final s'était joué à la dernière journée. Les autres franchises licenciées dans cette ligue sont le KAAM City, ex-Manchester City, le Finosa Valencia, ex-Valence CF, les YNWA Reds, ex-Liverpool, le King Club Ural Colli, ex-AS Monaco, ERNIC Spurs, ex-Tottenham, et United Kulübü, ex-Galatasaray SK. Ce dernier club a obtenu sa licence après le désistement de dernière minute du PSV Zoego, ex-PSV Eindhoven. Nous avons donc des franchises d'origine allemande, italienne, anglaise, espagnole, française et turque. Le niveau est énorme parmi les footballeurs castés. Normalement, la JML est très prisée. C'est le rêve de tous les footballeurs aujourd'hui. Ils viennent tous rejoindre leurs prestigieuses écuries, comme le Bayern, l'Exur ou le KAAM. Faitsan a sa petite préférence, mais s'il venait à rejoindre le petit pousset turc United Kulübü, il pourrait côtoyer les grandes stars des équipes en face, et pas que. En effet, le club turc a frappé un grand coup en recrutant la nouvelle star du football chinois, buteur lors de la finale du mondial. Le niveau est plus qu'élevé ces années à la Japan Masters League. Les rookies recrutés vont devoir être à la hauteur de l'événement. Pour Faitsan, amateur il y a encore 2 mois, il ne doit montrer aucune lacune. Il faut être du même niveau que ses éventuels futurs coéquipiers ou adversaires. L'audition peut commencer. Il y a plusieurs ateliers, chacun est scruté par les représentants des franchises. Faitsan va devoir commencer avec l'atelier dribble, enchaînera avec une épreuve de vitesse, une séance de tir au but en tant que tireur et gardien, un taureau, et pour terminer, un 10 contre 10. Pour marquer des points et être remarqué, il doit avoir de la technique, de la vitesse, de l'adresse, de la qualité de passe, être collectif, assurer pendant un match, mais également, avec du talent, avec des gants. Les franchises veulent des joueurs complets et polyvalents. Chapitre 43. Impressionné. Dans 2 heures, Faitsan aura terminé sa détection. Pendant 2 heures, il aura fait le plus difficile. Il n'aura plus qu'à attendre les invitations Ikeding des scouts de la Japan Masters League. Ainsi, le contact sera fait et il donnera suite à la franchise de son choix. En attendant tout cela, il doit faire une seule chose. Assurer une prestation impeccable et ne laisser aucune place au doute. Il pourrait ne penser qu'à ça, être aveuglé par l'envie d'assurer, de montrer ses capacités. Mais au lieu de ça, il pense à autre chose, une pierre d'achoppement. Sa santé, sa carrière, voire sa vie, sont en danger. Si la personne qui le menace mettait ses paroles à exécution, il pourrait être victime d'un tacle assassin pendant la séance. Ou pire, d'une agression en dehors des terrains. Le danger peut venir de partout. Faitsan reste prudent, il joue sur le velours. Il regarde chacun de ses futurs concurrents et essaye de retrouver des visages familiers. Il ne repère personne. Il aperçoit au loin Totov 76. Il est comme lui français. Il faisait partie d'une shortlist de 30 noms pressentis pour représenter la France au Mondial 2050. Faitsan avait été sélectionné, pas Totov 76. Ce dernier a remarqué la présence de l'international, il s'approche petit à petit de lui. On sent la peur dans le regard de Faitsan. Totov 76 est face à lui et... il lui propose une bonne poignée de main. Celui qui n'est pas allé au Qatar et en Australie est admiratif devant le parcours de l'international. Ils discutent quelques minutes et décident de rester ensemble. Les deux Français ont l'air contents de s'être retrouvés. Faitsan reste toutefois méfiant. Les épreuves commencent. Faitsan et Totov 76 débutent avec la démonstration de dribble. Ils doivent montrer aux observateurs toute leur palette technique afin de les impressionner. Les deux Français sont sortis des démonstrations routinières en proposant des dribbles en binôme. Ça a l'air de plaire. Ils peuvent donc passer sereinement à l'épreuve de vitesse. Un sprint sur 100 mètres. Peu importe le temps effectué, les observateurs vont voir l'impulsion et la vitesse maximale à laquelle les candidats sont capables de courir. Le record du Usain Bolt datant de 2009 a été explosé depuis des décennies, mais il est difficilement atteignable par un joueur de football lambda. Les deux footballeurs français ne sont pas les plus rapides, mais réalise des scores honorables. Fredson est à 10 secondes 16 et Totov 76 à 10 secondes 7. Un joueur bulgare monte à 9 secondes 50. En 2009, il aurait battu Lightning Bolt, mais un sprinter ne fait pas forcément un bon footballeur. On l'a vu quand le sprinter jamaïcain avait décidé, en 2020, de tenter l'aventure du ballon rond en signant à Manchester United. À 34 ans, Bolt avait fait un énorme bide, se blessant après 3 matchs. Les sélections peuvent se poursuivre pour Fyson et Totov 76. Il leur reste les doubles tirs au but, le taureau et le match. Le plus dur reste à venir pour ces deux bleus qui sont actuellement dans la moyenne européenne. Il faudra se détacher du lot. Il n'est pas permis à tout le monde d'aller à Corinth. Chapitre 44. Le retour de l'ange. Totov 76 est le premier à s'élancer. Il ouvre le bal et ce n'est pas facile pour lui. La pression est énorme. Il doit confirmer sa pointe de vitesse sous le regard des recruteurs des franchises, mais également de la totalité des candidats. Totov 76 doit faire mouche et se préparer rapidement, car dans 10 tireurs, il passera de l'autre côté avec les gants. Avant ceci, Totov 76 a 30 secondes pour faire trembler les filets. C'est parti. Il fonce comme une balle vers le gardien, il tente la feinte de crochet à droite et part à gauche. Le portier est dans le vent. Toto 76 n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Il a conclu de la plus belle des manières son action et émet un gros message d'avertissement à ses concurrents. On peut compter sur Totov 76. Totov 76 est désormais dans les cages. Il réussit à stopper 7 tirs sur 9. C'est impérial. Mais son dernier adversaire est Fyson. Ces deux-là ont l'air d'avoir accroché direct. Ils sont devenus de bons amis et veulent parcourir ces sélections ensemble. Mais ici, il n'y a pas d'amis, pas de connaissances. C'est chacun pour soi. Fyson pose le ballon, fixe Totov 76 au loin. Que se passe-t-il dans sa tête? Il repense au match du Qatar et en Australie pour le Mondial. Mais il pense aussi au métier de chariste qu'il a quitté pour se consacrer au football. Sa réussite passe par ici, par cette action. Il pense également aux menaces reçues. Et si c'était Totov 76? S'il n'attendait que ça pour se venger et blesser volontairement celui que les réseaux sociaux surnomment le mercenaire? La peur au ventre, Fyson tape dans le ballon pour entamer sa course. Allez, Fyson court le plus vite possible, mais bien avant que Totov 76 ne puisse faire un face-à-face, le tireur voit que le portier s'était un peu trop avancé. Il tente un lob, à corsaire, corsaire et demi. C'est quitte ou double pour lui. Le ballon part dans les airs et retombe, droit dans les cages. Fyson a remporté son duel sans avoir de contact direct avec Totov 76. Malgré ce but, le portier a fait une belle série d'arrêts. On peut dire que cette séance est une réussite pour lui. Fyson prend les gants de gardien de Totov 76, c'est à lui de faire le boulot. Fyson enfile les gants, c'est à ce poste qu'il s'était illustré face au Qatar. Il avait éliminé à lui seul les Million Dollar Boys, Qatari. Véritable ange gardien des Bleus, il avait effectué une ribambelle d'arrêt et, point d'orgue, il a mis une sublime lucarne sur un corner. Aujourd'hui, il doit montrer aux Japonais qu'il est un joueur complet. Sur ses 10 assauts, il a stoppé 7 ballons, autant que son ami Totov 76. Les deux sont en quelque sorte ex aequo. Mais personne ne sait ce qu'il se passe dans la tête des recruteurs. Surtout que la prochaine épreuve sera le taureau, où ils ont été dispatchés en 20 groupes de 4 joueurs. Totov 76 et Fyson sont séparés. Le premier est avec un Hongrois, un Portugais et un Belge. Le second partagera son épreuve avec un Gibraltarien, un Espagnol et un Basque. La répartition des taureaux ont été quelque peu bizarre. Pour preuve, le groupe de Fyson. Les organisateurs ont mêlé un Espagnol et un Gibraltarien. Le conflit des deux pays peut causer des dégâts. Ajoutez à cela un Basque et la tension risque d'être palpable. Fyson ne doit pas se laisser démonter, surtout qu'il débute au milieu. Il laisse les 3 joueurs toucher le ballon et se met en mode mort de faim. Il court de partout et veut récupérer le ballon. Mais il faut dire que la défense n'est pas le fort de notre ami français. Il piétine un peu pour aller chercher le cuir. Après 12 touchés de balle, il prend le ballon des pieds du Gibraltarien. Fetson doit faire très attention, car c'est très physique, surtout qu'il sait qu'une personne veut le voir sur une civière. Le ballon circule, mais l'inévitable arriva. Tout le monde arrête de jouer, tous les autres groupes se sont stoppés pour aller voir ce qui se passe sur le taureau de Fetson. L'homme est au sol. Chapitre 45. Conflit et confrontation. Les kinés arrivent, tous les yeux sont rivés vers l'homme qui est au sol. Nous avons un blessé et ça a l'air très grave. Rappelons ce qui s'est passé. Le taureau du carré France-Espagne-Gibraltar-Pays Basque était très engagé physiquement. Le Gibraltarien était au centre et devait récupérer le ballon. Justement, le cuir était dans les pieds de l'Espagnol qui a effectué une passe vers Fetson. Au moment où le ballon a quitté le pied de l'Ibérique, le défenseur de Gibraltar a mis une belle semelle, un coup de pied bien placé. La cheville a l'air brisée. La séance des taureaux s'arrête avec la sortie, sur blessure, du joueur espagnol et l'exclusion du Gibraltarien. Ils ne sont donc plus que 78 Européens à pouvoir prétendre aux places pour la Japan Masters League. On passe donc au match. Nous allons avoir 7 équipes de 11 joueurs. Un joueur a été retiré car jugé trop faible, classé par langue. Une équipe de francophones, une équipe d'anglophones, une équipe de germanophones, etc. Les autres équipes parlent italien, néerlandais, polonais et les autres. Par surprise, Fetson et Totov 76 sont ensemble. Ils vont d'abord jouer contre les autres. Nous avons donc en face des Slovènes, des Tchèques, des Grecs ou encore des Maltais. Nos deux Français évoluent aux côtés de Suisses, Belges, Luxembourgeois et aussi avec un Monégasque. Le but d'organiser ce genre d'équipe est de voir ceux qui vont écouter les autres, ceux qui vont mener et ceux qui communiquent. La première partie peut débuter. Les francophones prennent un avantage assez démonstratif. Fetson et Totov 76 montrent une entente très sympathique. Ils sont alignés sur le front de l'attaque. Totov 76 ouvre même le score pour les francophones. Juste après son but, le coach japonais lui demande d'enfiler le maillot de l'équipe adverse. Il rejoint les autres, qui sont donc 12. Une méthode assez étonnante d'entraînement, car chaque buteur est reversé automatiquement dans le camp d'en face. Au bout de 30 minutes, les équipes ont totalement changé de visage, car le turnover est également appliqué à des joueurs qui n'ont pas été buteurs. Fetson n'a pas marqué, ça le frustre. Fetson est même pris à partie par un Luxembourgeois. Dans un duel, le Français entend son opposant lui glisser. « Tu vas me gifler? Il n'y a pas de gros chèque cette fois-ci? » Sa mauvaise réputation le suit partout. Toujours dans cette méthode rocambolesque de coaching, Fetson provoque un pénalty dans la surface. Le coach décide de switcher et le mettre au but. C'est le gardien initial qui tirera le coup de pied arrêté. Fetson se paye le luxe de stopper la tentative de son adversaire. Totov 76 a été remuant et buteur à 3 reprises. Fetson s'est fait remarquer, mais n'a pas fait trembler les filets. Le match se termine, le score est insignifiant, mais les observateurs ont vu ce qu'ils voulaient. Ils invitent les footballeurs à regagner leur pays et à attendre, très sagement, les éventuelles sollicitations.